me promettais de garder l'esprit étroit. S'ouvrir aux autres, c'était être un traître. Si j'avais deux potes, on était comme je suis, mais trois. Une putain de relation, qui s'est chargé d'y mettre un terme? Ouais, je me promettais de garder l'esprit étroit. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Une demi-décennie à être pris d'effroi. Poursuivi par la pilosité, il y avait le désir, la ferveur, la curiosité. Une partie de moi a mis les voiles et elle a pris les trois. Je décidais de ne plus avoir foi en l'humanité. Alors toi, t'aurais décidé quoi? Peu m'importe le boulevard du temps qui passe soit pendu, ma carapace fendue, tourner la page en due. Non, je suis pas pessimiste, fous-moi la paix. Désillusionné et individualiste, voilà tout. Peu m'importe le boulevard du temps qui passe soit pendu, ma carapace fendue, tourner la page en due. Quoi qu'il advienne de mon avis, j'en veux pas, merde. T'auras un chat à la place, vendu. Admettons que tu n'es qu'une vie, simple supposition. Qu'en ferais-tu à part tes visages et tes avis d'imposition? Désolé, j'ai trop de mal à démêler le bien. Je ne suis qu'un humain, j'ai tendance à privilégier le mien. Je me vois le dire d'ici, il me fout la honte, mon gendre. Donc je préfère ne pas me continuer comme disait tonton Georges. Lui inculquer lucidité, conscience, franchise, prudence quand tu fais confiance, t'en chies. Merci, y'a d'autres occasions pour être mal dans sa peau. Là je pense pas aux impôts qu'aux situations où on se sent comme Xavier Mathieu devant Sarko. Ou un kamikaze, un arco-libertaire en basket Adidas. Ma sœur aimerait bien avoir un neveu. Toi, je, la victoire serait d'être un fécond. On est beaucoup à avoir trop souffert de l'espoir. Si c'est pour que l'histoire se répète, ben c'est non. Peu m'importe le boulevard du temps qui passe soit pendu, ma carapace fendue, tourner la page en due. Non, je suis pas pessimiste, fous-moi la paix. Désillusionné et individualiste, voilà tout. Peu m'importe le boulevard du temps qui passe soit pendu, ma carapace fendue, tourner la page en due. Quoi qu'il advienne de mon avis, j'en veux pas, merde. T'auras un chat à la place, vendu.